viens voir, cousin. Tu veux chose, Ken? Hey gars, t'as pas un petit zodou là pour moi là, vite fait là. Soit là où la rue Zoda s'affronte dans une danse de proie sauvage, là où nos regards traversent, s'avèrent et signes de combat, afin d'en délaisser plus qu'un chez parti. Ces dernières générations, point décennie, au combat coup de poing. Mais aujourd'hui tu ris, le point est tel, ils ont plus tendance à se tirer dessus. Vaut mieux une bonne bagarre qui dégénère jusqu'au FGRC. J'émerge vers de nouvelles gènes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent les durs. Un engrenage autour de toi qui dure, génère des sacrifices. Force motrice à t'en laisser des cicatrices, artifices surmenés, dissimuler les rescapés. Fini leur vie, visage gravé sur le gravier. Rôle réversible, conduire des retombées. Putain mec, le zoudou que tu m'as vendu, c'est de la daube. Rends-moi mon fric, mec. Allez. Rends-moi mon fric, putain de merde. Ah, tu veux chose qu'elle? Ouais. Tiens. C'est ça que tu veux? Allez, non, déconne pas. Mal dans sa peau, mal dans sa tête, malade au plus profond de lui-même. Cet homme recherche un idéal, une œuvre qui puisse tuer son mal. Cherche sans cesse un bouc émissaire, un pigeon à pigeonner. Son attitude fait peine à voir, il lui faudra le payer. Mais derrière ce masque sombre, j'aimerais savoir qui s'y cache. Un être faible, à l'esprit vide, de toute façon une menace. Réel, un facteur risque, une inconnue à ne pas négliger. Un être sans scrupules, un dur à cuire comme au ciné. Il glorifie le mal et l'idolâtre comme le veau d'or. Chez lui c'est un principe, il en a même fait une règle. Mais à ce jeu-là, combien sont-ils à s'être cassé les dents, à être tombé sur plus haineux et en subir le châtiment? C'est triste à dire, mais tu récoltes ce que tu sèmes. Et si tu sèmes la haine, prépare-toi à sombrer par la haine. À force de jouer au dur, tu tombes toujours sur plus dur que toi. Un jour tu donnes les coups, demain c'est toi qui les reçois. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. On se trouve vite au pied du muret. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. À force et forcé de vivre, un monde du réalisme où tout n'est fait que du dualisme. Te pousse à prendre des risques dans des rôles les plus spécialistes. Arrête tes caprices de fils et sache que jouer dur, vilain rôle à prendre, comprends tes erreurs. T'es seul homme à pouvoir l'entreprendre. Propagande sans règle où tu te livres à la rue sous ses réprimandes. Un ring où faut savoir apprendre à encaisser. C'est les plus faibles se font malmener. Subissent ses faces, comptent ses face à face. Les tenaces affrontent, se fondent dans ses face à face. Je peux comprendre quelqu'un qui sort d'une dure enfance, mais pour les faux, je canalise ma force. Une seule mort sur tes corps, celle je vais que ta vie quand les choses se corsent. Esquive ce dur barème où le mal résiste. Laisse-moi plutôt en rire, sinon à défaut je risque d'en pleurer. De voir tous ces nigos jouer des rôles qu'ils ne peuvent assumer. Lorsque je descends en ville et que je vois tous ces faux lascars, j'ai plus envie de leur pisser dessus que de changer de trottoir. Tu sais très bien que les vrais boss, eux, n'ont pas besoin de se montrer. Vivent de leur business et brassent de l'argent à t'écœurer. N'ont pas de temps à perdre avec des histoires de regard de travers. Mais lorsqu'il y a en brousse, c'est l'artillerie lourde qui calme les nerfs. Longtemps moi-même j'ai joué, pensant tout défouraillé. Mais vivre en fourraillé, c'est finir fou allié. Force de tourner, ils finissent par mal tourner. On se trouve vite au pied du muret. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. Ta carrière est en grand danger. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. On se trouve vite au pied du muret. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. Ta carrière est en grand danger. Ah, il m'a plombé pour un jeu doux. Allongé par terre, sans connaissance, les dés sont jetés. Les yeux rivés vers ciel, mon âme quitte, je la sens monter. Les images défilent, filent ma vie entre mes doigts. J'ai souvent vesqui la mort, mais cette fois je tombe dans ses tu bras. Tu visais l'argent, gars, le top, la tease, nouvelles idylles et la ganja. Disais déjà, ici on mourra jamais. Mauvais deal, t'es mourra jamais, jamais, jamais. Vas-y, c'est bon. Ok, taille.